Mais Raiderskill ne plie pas. Il observe. Il ressent. Chaque mur construit est une prière. Chaque base vide une leçon d'éphémère. Je creuse, je plante, je garde le silence. Mais Raiderskill veille, toujours en avance. Ici pour m'effacer. Je suis là pour montrer ce qu'on peut faire. Quand un stream devient un repère, quand Raiderskill devient mémoire. Ils oublieront.